Je vais continuer inchallah le dars. Donc nous en étions maintenant, nous allions voir en détail l'empêchement du takfir, qui est la mauvaise compréhension, le ta'wil. Donc bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc parmi les choses qui, les éléments qui empêchent de juger quelqu'un apostat, un musulman, donc de juger un musulman apostat, c'est la mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension en arabe, on dit donc le ta'wil. Le ta'wil à la base, c'est le fait, en arabe, en langue arabe, c'est le fait de donner un sens à un mot autre que son sens apparent. Et le ta'wil à la base dans l'islam, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, des fois c'est quelque chose de bien. Par exemple, le ta'wil, ça veut dire entre autres la même chose que le tafsir, c'est deux synonymes. Il y en a qui parlent de ta'wil ou le Qur'an pour dire tafsir ou le Qur'an. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Yusuf, Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Yusuf, wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al-hadith. C'est ainsi que ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Ta'wil al-hadith ici, donc l'interprétation des rêves. Donc le sens de ta'wil à la base, c'est l'interprétation. Ici on parle dans l'empêchement du takfir, le ta'wil c'est le fait de donner à un dalil, donc à une preuve légale, de donner à un dalil un sens figuré, c'est-à-dire un sens qui n'est pas le sens apparent d'un terme, mais de lui donner un sens métaphore ou un sens figuré suite à un effort de compréhension ou à cause d'une ambiguïté provoquant la non-compréhension de la preuve ou la mauvaise compréhension de celle-ci, en pensant qu'une preuve par exemple n'est pas une preuve, ou en se basant sur un hadith qui n'est pas authentique, en le pensant authentique, ce qui amène l'individu à faire ou à dire ce qui s'oppose à l'enseignement du prophète sans se rendre compte qu'il contredit l'enseignement du prophète. Donc le ta'wil, c'est le fait. Donc une personne, ici ce qui empêche le takfir, c'est lorsqu'une personne dit le contraire de ce qu'a dit le prophète en réalité, donc il contredit le prophète dans ses termes, mais il ne s'en rend pas compte, il croit au contraire qu'il dit ce que le prophète a dit parce qu'il pense qu'il y a un hadith par exemple qui le prouve, ou parce qu'il pense que le terme utilisé dans le hadith indique ceci et pas autre chose, etc. Ça c'est le ta'wil, donc c'est le fait donc de s'opposer à la vérité sans s'en rendre compte, en pensant au contraire qu'on est en train de la suivre. Et ceci s'oppose à une condition du takfir qu'on avait mentionné, c'est le fait de faire de tomber dans l'opposition à la sunna et au Coran volontairement, exprès. C'est le fait de faire son acte intentionnellement. Ça c'est une condition du takfir. Et bien lorsqu'on est victime de ta'wil, on ne fait pas son acte exprès, on ne le fait pas volontairement, ce n'est pas intentionnel. Mais la règle que nous rappelons bien sûr, et que nous l'avons rappelé pour les sujets par ignorance, c'est que la mauvaise compréhension n'est une excuse qui ne concerne que le musulman monothéiste qui n'adore qu'Allah uniquement, qui désavoue toute autre religion que l'islam. Par contre, celui qui adore un autre qu'Allah, il n'est pas évidemment excusé pour sa mauvaise compréhension. Et la preuve de cette règle, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Et Allah Azza wa Jal a dit: "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahibitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Dhalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa." C'est-à-dire, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants dans leurs œuvres? Ce sont ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc anéanties. nous ne leur assignerons pas de poids au jour du jugement. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Surat 18, du verset 103 au verset 106. Et il est important de savoir aussi que la cause principale, pour ne pas dire la seule cause, de la présence du shirk sur la terre, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation des textes divins. Donc si la mauvaise compréhension était une excuse même pour celui qui adore un autre qu'Allah, ceux qui ont été mentionnés dans le verset que nous avons cité ne mériteraient pas l'enfer. Donc la règle, c'est que la mauvaise compréhension n'est une excuse uniquement en ce qui concerne les lois et les rituels et les branches de l'islam. Ce que nous avons, on avait bien détaillé, c'est quoi la différence entre les branches de l'islam et les fondements du tawhid. Donc eux ne peuvent être connus qu'après qu'un messager ne les enseigne. Et la preuve de cette règle, c'est la parole d'Allah: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ô notre Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrivait d'oublier ou de nous tromper. Sourate 2, verset 286. Ainsi que l'unanimité des compagnons, ijma al-sahaba, qui considérait la mauvaise compréhension d'une loi comme un empêchement d'apostasie lorsque le compagnon Qudama ibn Mad'un radiallahu anhu avait bu du vin avec certains de son groupe en pensant que cela lui était permis sur base du verset un instant. Donc sur base du verset, Sourate Al-Ma'ida, Sourate 5, verset 93: Laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. C'est-à-dire, donc Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset: ce n'est pas un péché pour ceux qui ont foi, qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé comme nourriture, c'est-à-dire pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 5, verset 93. Donc ce compagnon, sur base de ce verset, donc Qudama ibn Mad'un, il a pensé que lorsqu'une personne est pieuse et qu'elle fait des bonnes actions, il a alors le droit de boire du vin et de manger ce qu'il veut. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. Donc il a compris, Qudama ibn Mad'un, que ce verset signifiait que celui qui est pieux et qui fait de bonnes œuvres, celui-là, il a le droit de boire du vin. Alors lorsqu'Abu Huraira et d'autres, ainsi que la femme de Qudama, témoignèrent de ce qu'a fait Qudama à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhum, Omar al-Khattab décida alors de lui faire appliquer soit la peine de l'ivrogne, s'il se repentait de son interprétation du verset et qu'il avouait l'interdiction du vin, soit la peine de l'apostat s'il continuait et qu'il ne se rétractait pas de son interprétation et qu'il continuait de croire que le vin est licite. Ibn Taymiyyah a dit dans Sarim al-Masloul, page 530: Ala tara anna Qudama ibn Mad'un wa kana badariyan ta'awwala fi khilafati Umar ma ta'awwalahu fi istihlal al-khamr من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة الغافر. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah a dit: ne vois-tu pas que Qudama ibn Mad'un, qui fut un combattant de la bataille de Badr, interpréta lors du califat de Omar ibn al-Khattab son interprétation de la permission du vin sur base du verset: ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. Au point que Omar et tous les gens du conseil consultatif furent d'avis de lui ordonner de se rétracter, lui et ses compagnons, et que s'ils acceptaient l'interdiction du vin, ils seraient fouettés, et s'ils ne l'acceptaient pas, alors ils seraient apostats. Ensuite, Qudama se rétracta et manqua de désespérer du pardon d'Allah, vu la grandeur de son péché, jusqu'à ce que Omar lui envoie un messager pour lui réciter le premier verset de la sourate Al-Ghafir, donc la sourate numéro 40. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah dit dans Majmou al-Fatawa, volume 7, page 609-610, « وَأَمَّا الْفَرَائِدِ الْأَرْبَعَةِ فَإِذَا جَحَدَ وُجُوبَ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ فَهُوَ كَافِرٌ وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ تَحْرِيمُ شَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيه شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مذعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من تأويل. C'est-à-dire donc Ibn Taymiyyah nous dit ici, quant aux quatre obligations, c'est-à-dire donc la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, celui qui renie le caractère obligatoire de quoi que ce soit d'entre elles, il est mécréant. Et il en est de même pour celui qui renie l'interdiction des interdictions élémentaires et avérées comme la turpitude, l'injustice, le mensonge, le vin et les choses comme ça. Par contre, si la preuve ne lui a pas été présentée, comme c'est le cas de celui qui vient de se convertir à l'islam ou qui a grandi dans un désert lointain à qui les lois de l'islam ne sont pas parvenues, ou encore celui qui se trompe et pense que ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres font exception à l'interdiction du vin, comme se trompèrent ceux que Omar ibn al-Khattab donc appela au repentir, on les invite alors à se rétracter et on leur présente les preuves. Et s'ils continuent après cela, ils deviennent mécréants. Et on ne les juge pas mécréants avant cela. Tout comme les compagnons ne jugèrent pas Qudama ibn Maz'un et ses compagnons mécréants lorsqu'ils se trompèrent dans leur interprétation. Fin de citation. Et Ibn Taymiyyah dit aussi dans volume 3, Majmou al-Fatawa, volume 3, page 288, فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والحكم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. C'est-à-dire le statut de celui qui interprète mal et le statut de l'ignorant qui est excusé n'est pas le même statut que celui du rebelle et du libertin. Allah a donné à toute chose sa juste mesure. Et Al-Qadi ibn Iyad a dit dans Al-Shifa volume 2 page 277, il a dit إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين وقال غيرهما من المحققين الذي يجب الاحتراز من تكفير في أهل التأويل فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر. C'est-à-dire inclure un mécréant dans la religion et bannir un musulman de la religion est une chose terrible dans la religion. Et plus d'un investigateur ont stipulé qu'il faut faire preuve de précaution en ce qui concerne l'excommunication de ceux qui se trompent dans leur interprétation, car le fait d'autoriser de tuer les prieurs monothéistes est un grand danger. C'est-à-dire les prieurs monothéistes, ici ça montre bien que Al-Qadi ibn Iyad parle de ceux qui font le tawhid, mais qui se trompent dans ce qui est moindre que le tawhid. D'accord ? Donc la mauvaise compréhension est donc une excuse pour le musulman en ce qui concerne la compréhension, la mauvaise compréhension des lois, des rituels, ainsi que des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, qui ne peuvent être connus qu'après qu'un messager ne les ait enseignés, comme certains attributs d'Allah azawajal, comme ses deux mains, ses deux yeux, son visage, etc. Ceci à condition que ce soit une compréhension qui puisse être suggérée par la langue arabe. Par exemple, les Ash'ari, lorsqu'ils disent que la main d'Allah azawajal c'est sa puissance, c'est une compréhension que la langue arabe peut suggérer, car en effet les arabes utilisaient des fois cette expression de la main pour désigner la puissance de quelqu'un ou la grâce de quelqu'un ou la générosité de quelqu'un. Donc c'est suggéré par la langue arabe, mais c'est une compréhension légalement fausse, non pas linguistiquement mais légalement fausse, parce que dans l'islam, lorsqu'on doit interpréter le Coran, on interprète le Coran d'abord par le Coran et la Sunna, et en dernier par la langue arabe. Et il n'y a rien dans le Coran et la Sunna qui permettent de donner au terme main, lorsqu'Allah parle de ses mains, il n'y a rien qui, parce que il faut savoir que les mots en langue arabe sur lesquels on peut faire un sens figuré, les mots ont à la base deux sens. Lorsqu'on dit qu'on doit croire au nom d'Allah selon le zahir des termes, le zahir en arabe ou dans le fiqh, dans le droit musulman, ça désigne le sens apparent. Et c'est quoi le sens apparent? C'est-à-dire que ça parle des mots qui ont deux sens, un sens qui est le plus probable et un sens qui est figuré, c'est-à-dire le second sens. Par exemple, lorsque quelqu'un dit j'ai vu un lion, quand quelqu'un dit j'ai vu un lion, soit c'est qu'il a vu un lion, soit c'est qu'il a vu quelqu'un de très courageux, de très vaillant, ou je ne sais pas comment. Ça peut être le terme ici, dire j'ai vu un lion, ça peut avoir un deuxième sens dans la langue même française, d'accord. Mais c'est juste que pour le Coran, à la base, on doit donner aux termes utilisés par Allah leur sens apparent, et on ne peut leur donner de sens figuré que s'il y a un dalil du Coran et de la Sunna. Or, il n'y a aucun dalil du Coran et de la Sunna qui nous montre que le sens de la main, dans le verset Allah, qui parle des mains d'Allah, que le sens n'est pas le terme main. La première signification du terme main, c'est une main. Et puis, le sens figuré de la main, ça peut être la puissance, ça peut être la générosité, etc. Mais il n'y a aucun dalil qui nous permette de prendre le sens figuré, de délaisser le sens apparent. Mais les Asha'ira, ils ont un ta'wil, ils pensent que justement il y a des versets qui prouvent cette obligation de devoir donner le sens figuré, entre autres le verset Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui ressemble, il est celui qui entend et qui voit, et considèrent que si on donne le sens apparent, on s'oppose au verset qui dit que rien ne ressemble à Allah, puisque pour eux, le fait de dire qu'Allah a une main, c'est faire ressembler Allah à la création, ils ont donc cette shubha. Donc leur ta'wil, il est faux, ça fait d'eux des égarés, mais ça ne fait pas d'eux des mécréants, tant que la hujja ne leur a pas été établie, qu'ils aient compris la preuve Afwan, j'ai été déconcentré par quelque chose, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je continue donc les Asha'ira, donc on doit leur faire iqamat al-hujja, et si jamais la hujja leur est établie et qu'on leur a fait donc qu'elle a été suffisamment expliquée de telle manière que leur ambiguïté est invalidée, mais qu'ils continuent par refus de la vérité et par orgueil, ils deviennent donc des mécréants. Par contre, si jamais une personne donne au sifat d'Allah Azzawajal un sens qui n'a pas du tout été suggéré par la langue arabe, comme par exemple celui qui dit que les deux mains d'Allah ça désigne Hassan et Hussein, ou qui dit que c'est le ciel et la terre, etc., alors ceci n'est pas du tout un ta'wil acceptable, n'est pas du tout un ta'wil excusable. Donc les points à retenir ici, c'est que l'erreur d'interprétation n'est une excuse que pour le monothéiste qui n'adore qu'Allah uniquement. Celui qui interprète un texte du Coran et de la Sunna et qui pense que ce texte du Coran et de la Sunna lui permet d'adorer un autre qu'Allah Azzawajal, d'implorer le secours des morts, etc. Est-ce que celui-là, c'est un musulman ou pas? Celui qui comprend mal un texte et qui comprend dans un texte ou d'un verset ou d'un hadith qu'il est permis d'implorer le secours des morts, ou d'implorer ou de demander aux morts de t'accorder une descendance pieuse et des choses comme ça, ou qu'il comprend d'un texte qui lui est permis de rendre halal le haram de par lui-même, même si Allah Azzawajal a dit le contraire, etc. Celui qui pense qu'il y a un ta'wil là-dedans, est-ce qu'il est excusé ou pas? Est-ce qu'il est musulman ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Je vais poser une question là, si c'était possible, voir si jamais vous participez ou pas, ou... Donc celui qui comprend mal un verset ou un hadith et qui pense que ce verset ou ce hadith lui permet d'implorer le secours des morts ou bien de faire une offrande à un autre qu'Allah Azzawajal, ou qu'il a le droit de par sa propre décision de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram et haram ce qu'Allah a rendu halal, même s'il sait qu'Allah Azzawajal a dit autre chose que lui, mais de par lui-même, donc rendre halal le haram en dehors d'Allah, qui pense qu'il y a un texte du Coran ou de la Sunna qui lui permet de faire ces choses-là et qu'il le fait, est-ce qu'il est musulman à cause de ce ta'wil ou pas? question, Esma, que je suis en train de demander. C'est pas donc Hanzala al-Muwahhid, il nous dit non, il n'est pas musulman, c'est car c'est parmi les choses claires. Esma nous dit c'est un mushrik mais pas un mécréant. La réponse de Esma est plus correcte que celle de Hanzala al-Muwahhid. Ce n'est pas parce que c'est parmi les choses claires que nous disons qu'il n'est pas musulman, mais c'est parce que il a fait du shirk, tout simplement. Lorsqu'il implore le secours d'un mort, il fait du shirk. C'est-à-dire, il adore un autre qu'Allah Azzawajal, il invoque un autre qu'Allah Azzawajal. L'implorer le secours d'un mort, c'est une dua. C'est une dua. D'accord ? C'est le fait d'implorer le secours d'un mort, c'est une dua. Donc, lorsqu'il implore le secours d'un mort, il a fait du shirk. Est-ce qu'il adore Allah uniquement lorsqu'il fait ça ou pas ? Il ne l'adore pas Allah uniquement, puisqu'il adore ce mort également. Mais il en est arrivé à ça parce qu'il a mal compris un verset. Il a cru qu'un verset lui permettait de faire ça. Donc ma question c'est, est-ce que cette mauvaise compréhension le laisse musulman ou pas? Non, ça ne le laisse pas musulman. Puisqu'il s'est mis à adorer un autre qu'Allah. Le musulman c'est celui qui n'adore qu'Allah uniquement. Donc même s'il a mal compris, on ne peut pas dire qu'il n'adore qu'Allah alors qu'il adore un autre qu'Allah. Il n'adore plus Allah uniquement, donc il n'est plus musulman. Le nom d'islam ne peut lui être affirmé. On ne peut le classer parmi les musulmans, c'est devenu un mouchrik, parce qu'il a mal compris un verset. Mais est-ce qu'il mérite d'être puni? Il ne mérite pas d'être puni tant que la hujja ne lui est pas parvenue. Et comme ces choses-là, ça fait partie des choses claires de la religion, comme l'avait souligné Hanzala ala tawhid, comme ça fait partie des choses claires, iqamatul hujja, à partir de quand est-ce que la hujja est qa'ima dans les choses claires? À partir de quand est-ce que la hujja elle a été établie lorsqu'on parle de choses élémentaires? C'est quand? Est-ce qu'il faut qu'il ait compris la preuve, ou bien est-ce que c'est suffisant qu'il ait juste accès à cette preuve, qu'il ait accès au Coran, qu'il ait accès à la sunna, etc.? Il ne doit pas comprendre la preuve, parce que c'est une chose élémentaire. Le fait que seul Allah mérite d'être adoré, c'est la plus élémentaire chose de l'islam. Mais si jamais c'est quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, ou qui vit dans un désert lointain, etc., alors là, oui, on le jugera mécréant. On le jugera mécréant après Iqamatul Hujjah. Si c'est quelqu'un qui vit entre les musulmans, qui a accès au Coran depuis longtemps, etc., et que malgré ça il est sur ce shirk, il n'est pas accusé par son ignorance, parce que c'est une chose élémentaire. C'est une des choses les plus élémentaires dans la religion, c'est que c'est interdit d'invoquer un autre qu'Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est de la remarque de Salah qui nous a dit c'est du shirk asrar, ici Salah nous parlons non pas de demander la shafa'a à un mort, voilà, on parle pas de celui-là, nous on parle de celui qui demande à un mort de le secourir quand il est en danger et dit « Oh Mohammed, viens à notre secours » ou « Oh Ali, viens à notre secours » ou bien qui dit « Oh Ali, donne-moi des enfants »« Oh Ali » ou bien « Oh Mohammed, accorde-moi une descendance pieuse »« Oh Mohammed, accorde la prospérité à mon commerce »« Oh Mohammed, guéris-moi » et des choses comme ça. Ça c'est du shirk akbar, ijma' al-muslimin. Par contre, le fait de se rendre, même s'il a mal compris le hadith, parce que sa mauvaise compréhension, il a cru que le hadith lui permettait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Et même si pour lui c'est pas donné un associé à Allah Azza wa Jal, ça ne change rien du tout. Les mouchrikoun de Quraysh, ils ne disaient pas qu'ils donnaient des associés à Allah Azza wa Jal. Le fait qu'ils pensent que les morts entendent, c'est une chose, mais attention, il faut faire une différence entre le fait de croire que le mort t'entend et le fait de croire que le mort est capable de te secourir. Le fait que le mort puisse t'entendre, c'est une chose, mais le fait de croire qu'il est capable d'exaucer ta prière, c'est autre chose. Quand tu dis à Mohammed, secours-moi, comment est-ce que tu veux que Mohammed te secoue alors qu'il est mort? Il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu penses que Mohammed a un pouvoir dans la création. S'il dit au prophète de demander à Allah, c'est autre chose. S'il dit Mohammed demande à Allah de nous secourir, c'est autre chose. Mais attention, maintenant il faut faire une différence entre deux choses. Il faut faire une différence entre celui qui va à la tombe du prophète wassalam, et qui s'adresse au prophète ou qui s'adresse à une personne pieuse devant sa tombe et qui dit « Oh un tel, demande à Allah de me donner la subsistance » ou « Demande à Allah de me donner la prospérité » ou bien « Demande à Allah de m'accorder une descendance pieuse ». Ceci, il y a khilaf chez les savants. Certains disent que c'est du shirk akbar, parmi eux, cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il y en a qui disent que c'est une bid'a, que c'est du shirk asghar, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, entre autres. Mais, par contre, si jamais une personne parle au prophète, même lorsqu'il est loin de sa tombe, ou qu'il parle à un pieu ou à quelqu'un de mort, même quand il est loin de sa tombe, c'est-à-dire même quand tu es dans ton lit, ici en France, tu dis oh messager d'Allah, demande à Allah telle ou telle chose, ceci n'est pas la même chose, parce que là tu crois que le prophète alayhi salatu wasalam, il t'entend où que tu sois, comme Allah. Que où que tu sois, le prophète t'entend. Que où que tu sois, le tel wali il t'entend, que Ali il t'entend, ou bien que Omar ibn al-Khattab t'entend, des choses comme ça. Ça c'est encore autre chose. Il y a une différence entre celui qui invoque, qui fait cette ce qu'on appelle l'istishfar, loin de la tombe et près de la tombe. Et le fait de demander à un mort, en se tenir devant la tombe de quelqu'un, d'une personne pieuse, et de lui dire oh un tel, donc devant sa tombe tu lui dis par exemple oh Mohammed, demande à Allah de m'accorder de nous donner la pluie, etc. Ceci, par exemple, même certains ulama Ash'ari, etc., comme Ibn Hajar al-Asqalani, permettaient de faire ça. Donc Asma nous dit demander à un pieu de demander à Allah de nous donner telle ou telle chose, c'est pas du shirk, c'est du shirk asghar selon certains ulama, et c'est du shirk akbar selon d'autres ulama. Mohammed ibn Abd al-Wahhab considère que c'est du shirk akbar, visiblement, comme il l'a dit dans Nawaqid al-Islam. Il dit al-thaniya man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it. Non, une personne vivante, ça c'est sûr et certain que c'est pas du shirk. Le fait de demander à un pieu, maintenant moi si un mec je demande à quelqu'un de vivant, si je demande à Salah, je fais Salah fait des doua pour moi, c'est pas du shirk, c'est sûr et certain. Pourquoi? Mais parce que Salah m'entend, parce que Salah il est capable de le faire, d'accord, il est capable de faire des doua, d'accord. Mais si un mec je demande à Salah de faire une chose que seul Allah est capable de faire, c'est autre chose. Et le fait, par contre, lorsque quelqu'un est mort, le fait de demander à un mort de t'accorder, de te secourir, ou de t'accorder une descendance pieuse, le fait que les morts ne nous entendent pas, c'est un sujet à divergence. L'imam Nawawi considère pour sa part que les morts entendent dans leur tombe. Et d'autres considèrent que non, mais c'est un autre sujet. D'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose qui fait objet d'unanimité, etc. Donc, comme on avait dit, parmi les conditions du takfir, c'est qu'il faut que ce soit une preuve claire et nette ici, c'est quelque chose de probable. Mais pour l'ama, c'est clair et net. Il y a certains ulama qui voient que c'est clair et net, que même si c'est juste que tu demandes aux morts de demander à Allah devant sa tombe et tout ça, il y en a que pour eux, c'est du shirk. Et entre autres, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, comme il le dit dans Nawaqid al-Islam, « Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wa sa'it, yad'uhum wa yas'aluhum ush-shafa'a, kafara ijma'an. » Et Cheikh Ali Al-Khudayr a longuement critiqué ceux qui disaient que c'était du shirk asghar, entre autres dans Sharh Kashf Shubuhat. Celui qui veut aller lire ce qu'a dit Cheikh Ali Al-Khudayr, il peut toujours aller voir dedans. Ses arguments sont intéressants. C'est une chose sur laquelle il est intéressant. Je n'ai pas d'avis vraiment catégorique à ce sujet. Ce qui m'a l'air le plus probable, c'est que c'est du shirk asghar. Mais par contre, il est sûr que Naam, si jamais tu demandes à quelqu'un de vivant qui ne peut pas t'entendre d'invoquer, c'est du shirk akbar. Excusez-moi, je vais devoir un instant. Naam. Donc le fait donc de demander à quelqu'un qui est vivant, maintenant si jamais le micro est coupé, etc., quand je suis dans ma chambre, je dis oh Salah, aide-moi, ou bien oh Salah, demande à Allah ça pour moi, ça devient évidemment du shirk akbar, parce que c'est la même chose, ça veut dire que je crois que Salah m'entend ou que je sois, d'accord, c'est la même chose que pour l'autre. Donc par contre, le fait de demander le secours des morts et tout ça, c'est autre chose que le fait de leur demander la shafa'a. Et ça, c'est du shirk akbar à l'unanimité des musulmans. D'accord ? Donc, celui qui tombe dans ce shirk parce qu'il a cru qu'un verset ou qu'un hadith le lui permettait, il est mushrik, il n'est pas musulman. Même si c'est parce qu'il avait mal compris un texte. parce que cette compréhension du texte a fait de lui quelqu'un qui demande à un autre qu'Allah, qui croit qu'un autre qu'Allah est capable de lui donner ce qu'en réalité seul Allah est capable de lui donner. Et donc on ne peut pas dire qu'il croit en l'unicité d'Allah Azzawajal dans la Rububiyya et dans l'Uluhiyya. Donc lorsque l'erreur par interprétation, donc ça consiste à mal comprendre la signification d'un texte sur base d'une ambiguïté ou d'un hadith faible ou d'un verset ou autre. Lorsque l'erreur d'interprétation mène à donner un égal à Allah ou à croire en la prophétie d'un autre que Mohammed, cela fait automatiquement sortir de l'islam. Donc celui qui croit qu'il y a un hadith qui lui prouve que Mousseïlima est le messager d'Allah ou que Ibn Baz est un prophète ou j'en sais rien, c'est un mouchrik, il n'est pas musulman, même si c'est à cause d'un ta'wil. L'excuse pour mauvaise compréhension cesse dès que la preuve est apportée et expliquée à l'opposant, puis que celui-ci persiste par refus et orgueil. Donc les hérétiques monothéistes, ceux qui sont donc les mubtadi'a qui sont monothéistes, comme les Asha'ira, etc., ils sont victimes tous d'une mauvaise compréhension forcément. Et lorsque les preuves leur sont expliquées, donc lorsque les preuves sont expliquées aux hérétiques monothéistes, et puis qu'ils persistent par refus et orgueil, ils deviennent mécréants. Comme par exemple les Khawarij, les Murji'a non extrémistes, parce que les Murji'a extrémistes sont mécréants déjà d'après les Salafs, les Qadariya non extrémistes, les Mu'tazila non extrémistes, les Asha'ira, etc. Donc ceux-là, après Iqamat al-Hujja alayhim et Izalat al-Shubha, etc., donc après que la Shubha soit invalidée et tout ça, et qu'ils persistent dans leur bid'a par refus et orgueil, ce sont des mécréants. Voilà, donc nous en avons fini pour l'excuse du ta'wil. Nous en avons fini pour le cours aujourd'hui. Si vous avez des questions, Inch'Allah, j'essaierai d'y répondre tant que je peux encore continuer à parler au micro, Inch'Allah. Ah, donc Baraklitos nous demande qui sont les Asha'ira. Les Asha'ira, parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu long à expliquer, à la base ce sont ceux qui ont la Aqida des Kallabiyya. Les Kallabiyya, la secte des Kallabiyya, ce sont ceux donc qui ne croient qu'en sept attributs d'Allah Azzawajal et qui interprètent tous les autres, qui donne à tous les autres un sens figuré et pas un sens réel. Ils reconnaissent donc sept sifats, ce qu'ils appellent les sifats aqliya. Donc ils reconnaissent l'ilm, donc la science, al-basar, donc la vue, al-sam', l'ouïe, al-qudra, la capacité, le fait qu'Allah est vivant, la vie d'Allah Azzawajal, al-kalam, la parole, et la septième, je l'ai oublié, c'est pas grave, en tout cas. Et donc ils reconnaissent ces sifats-là, Azzawajal. Et puis toutes les autres sifats, ils leur donnent un sens irréel. Par exemple, istiwa, le fait qu'Allah Azzawajal est au-dessus du trône, etc. Ou autre. Les Habbash sont tout à fait des Ash'ari dans l'interprétation. Tout à fait. Les Habbash sont Ash'ari. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vénèrent beaucoup les savants comme Ibn Hajar al-Asqalani et l'imam Nawawi, etc. Parce que c'était des savants Ash'ari. C'est juste que les savants Ash'ari comme Ibn Hajar et l'imam Nawawi, etc., n'étaient pas des mushrikoun comme les Habbash, car les Habbash, entre autres, eux, sont des adorateurs de tombes, etc. Bien sûr, les Habbash sont bien pires que les Ash'ari. Les Habbash sont Ash'ari, mais les Ash'ari ne sont pas Habbash. C'est pas la même chose. Les Habbash, ils ont été piochés le poison des Ash'ari par-ci. Ils ont été piochés le shirk des Qubouri par-là. Ils ont été le irja des Jahmiya par-là. Ils ont été piochés, bref, ils ont été chercher le poison du soufisme. C'est une réunion, c'est une soupe de secte, d'accord? C'est une soupe de pourriture. En soi, les Habbash, ils sont entre autres Ash'ari, ça, d'accord, mais les Ash'ari, par exemple, comme l'imam Nawawi ou Ibn Hajar, c'est clair qu'ils étaient, à ma connaissance en tout cas, innocents du shirk, qui désavouaient le shirk et les mouchrikoun. Les Ash'ari sont également des Murji'a, parmi les Rulat al-Murji'a. Donc les Ash'ari, en fait, ils se sont opposés à Ahl Sunnah wal Jama'a dans plus de 17 choses. D'ailleurs, Safar al-Hawali, il a écrit un livre sur eux. Je ne fais pas la pub pour Safar al-Hawali, mais c'est juste que son livre, il est pas mal apparemment. Et donc dedans, il a expliqué que les Ash'ari, ils se sont opposés à Ahl Sunnah wal Jama'a sur plus de 17 points. Donc il y a les noms et attributs, il y a aussi la définition du Iman, dans le Qadar aussi, au sujet du destin, les Ash'ari, ce sont des Jabariya, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les êtres humains n'ont pas de volonté à eux, mais qu'ils n'agissent que par volonté, qu'Allah n'a pas donné de volonté à l'être humain, mais que ce que l'homme, c'est un peu comme si, et la capacité aussi pour eux, l'homme n'est pas capable de faire quoi que ce soit, l'homme est comme une marionnette que Allah dirige en fait. C'est un peu ça. Et très bizarrement, c'est cette bid'a là qui a amené les Qubouri Habashi entre autres à adorer les tombes. Ils considèrent que comme à la base un être humain n'a pas de capacité et qu'il est comme une marionnette que Allah fait bouger, ils considèrent donc qu'un mort n'a pas moins de capacité qu'un vivant, et que vu que le vivant n'a lui-même pas de capacité, et comme ils disent il est permis de demander à un être vivant de te secourir, et bien il est aussi permis de demander à un mort de te secourir, vu que ni l'un ni l'autre n'a de capacité. Et donc cette bid'a les a amenés à permettre d'invoquer le secours des morts. Pour vous montrer à quel point la bid'a, même si en soi elle ne vous fait pas sortir de l'islam, elle a une conséquence qui peut vous amener à sortir de l'islam si vous adoptez cette conséquence. C'est ça le gros danger de la bid'a, c'est qu'à la base la bid'a c'est la porte ouverte vers le kufr et le shirk. Donc les Ash'ari, ils ont beaucoup donc ils se sont opposés au soul de Ahlus Sunnah wal Jama'a sur plus de 17 points, sur 17 points au minimum. Naam. Donc voilà pour la réponse à Barakito. Je ne sais pas si j'ai celui qui dit que le Coran est makhlouq, est-ce qu'il est excusé ou non? Ça dépend de ce qu'il dit. Si jamais il y a deux paroles, il y a ceux qui disent qu'Allah Azza wa Jalla ne parle pas, qui ne parle pas du tout. Celui qui dit qu'Allah Azza wa Jalla ne parle pas, il a contesté une sifat sans laquelle la divinité, la rububiyya d'Allah Azza wa Jalla ne peuvent être affirmées. Et parmi les faiblesses et les rabaissements des idoles, c'est qu'ils ne parlent pas. Comme lorsqu'Ibrahim alayhi salam controversait avec son peuple et leur faisait remarquer que leurs idoles ne savent pas parler, ne savent pas entendre, etc. Et ça, c'est ce que disent les Jahmiyyah. Donc les Jahmiyyah disent que le Coran est une créature sur base du principe qu'Allah Azza wa Jalla ne parle pas. Les Ash'ari, ils ne disent pas ça comme ça. Les Ash'ari, ils disent qu'Allah Azza wa Jalla parle et que Allah Azza wa Jalla a une parole, mais ils disent que la parole d'Allah n'est pas des mots, n'est pas composée de mots, que la parole d'Allah est une seule chose. Ils considèrent que c'est ce qu'ils appellent ma'na muqim fi dhatillah, c'est-à-dire un esprit ou quelque chose de spirituel qui est établi en l'être d'Allah Azza wa Jal, qui est incréé. Et ils disent que le Coran, que les mots du Coran sont créés, mais que le sens du Coran et que la signification du Coran n'est pas créé. Ils disent que le Coran c'est le récit de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que celui qui dit que les mots du Coran sont créés, ou bien qui dit que le Coran en soi est créé mais pas la parole d'Allah Azza wa Jal, comme le disent les Mu'tazila et les Ash'ari, ils ne sont pas coupables de shirk akbar, mais ils sont coupables de kufr akbar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en faisant ça, ils ne sont pas en train d'adorer un autre qu'Allah, mais ils sont en train de contredire les versets du Coran. Et comme on l'avait vu, lorsque la mauvaise compréhension se trouve dans quelque chose de moindre que le tawhid, l'excuse là-bas, c'est que l'excuse par ignorance et par mauvaise compréhension sont prises en considération. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains salafs ne jugeaient pas mécréant Al-Ma'moun. Donc Al-Ma'moun, c'était le gouverneur à l'époque de Ahmed ibn Hanbal. C'était Al-Ma'moun qui a torturé Ahmed ibn Hanbal pendant des années en prison pour lui ordonner de dire que le Coran est une créature et que le Coran est créé. Ici, il l'entendait non pas à la manière des Jahmiyyah, mais celle des Mu'tazila et des Mu'tazila qui ressemble un peu à celle des Ash'ari. Les Mu'tazila reconnaissent qu'Allah Azza wa Jalla a une parole. Ils ne contestent pas qu'Allah Azza wa Jalla a une parole. Ils reconnaissent la sifat, mais ils ne donnent pas de sens à cette sifat. Les Jahmiyyah ne reconnaissent pas la sifat. Les Jahmiyyah, ils disent Allah ne parle pas. Les Mu'tazila, ils disent Allah parle. Mais ils disent le Coran est créé, c'est-à-dire les mots du Coran, les mots du Coran et les termes du Coran sont créés. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que disaient les Mu'tazila. Et ça, c'est pour ça qu'à la base, leurs paroles ne s'opposent pas au asl du Tawhid. Et évidemment, là-dedans, nous avons une réponse, donc les Murjia qui à chaque fois disent « Oui, mais l'imam Ahmed, il a jugé musulman le Ma'moun, alors qu'elle Ma'moun, il disait que le Coran est créé, le fait de dire que le Coran est créé, c'est une grande mécréance. » La réponse est que oui, c'est une grande mécréance, mais ce n'est pas du shirk akbar, c'est du kufr akbar. Et nous avons fait la différence entre les deux dans les premiers cours. Alors que ce que font les tawarites aujourd'hui, ce n'est pas du kufr akbar, enfin si, ça en est, mais c'est plus que ça, c'est du shirk akbar, c'est-à-dire que eux, ils se mettent à l'égal d'Allah Azzawajal dans une fonction qui n'appartient qu'à Allah Azzawajal. Ils s'octroient le droit de décider de ce qui est halal et de ce qui est haram en dehors d'Allah Azzawajal. Ceci est du shirk akbar, il n'y a pas d'excuse par ignorance dans le shirk akbar, ni par mauvaise compréhension. Et les tawarites d'aujourd'hui sont incomparables aux Mu'tazila. Les Mu'tazila, en principe, sont musulmans jusqu'à ce que l'Iqamatul Hujjah leur soit faite. Et ce ne sont pas des mushrikoun, les Mu'tazila. Ils n'adorent qu'Allah uniquement et ils désavouent le shirk et les mushrikines, contrairement aux tawarites d'aujourd'hui. Donc la comparaison entre le Ma'moun et les tawarites d'aujourd'hui est une comparaison mensongère et manipulatrice. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah ? Donc celui qui interprète mal un hadith ou un verset du Coran, il est excusé en principe jusqu'à ce que la hujjah soit faite, tant que ce n'est pas dans le tawhid, c'est-à-dire tant que cette compréhension ne le fait pas adorer un autre qu'Allah, ou ne lui fait pas abandonner le tawhid d'Allah Azzawajal, ne lui fait pas donner des associés à Allah Azzawajal. Si cette mauvaise compréhension lui fait croire qu'un autre qu'Allah est capable de créer, de donner la vie et la mort, de légiférer, a le droit de légiférer, ou que lui fait croire qu'un autre qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être imploré en cas de danger ou autre, ou qu'un autre qu'Allah Azza wa Jal mérite qu'on lui implore une descendance pieuse, etc., ou les choses qu'on ne peut demander que seul Allah Azza wa Jal est capable d'exaucer, alors là il n'est plus monothéiste, il n'adore plus qu'Allah uniquement, il n'est plus quelqu'un qui adore Allah uniquement, mais il est quelqu'un qui adore un autre qu'Allah. Et c'est forcément parce qu'il a mal compris quelque chose. Comme on l'a dit, à la base, le shirk sur la terre est apparu à cause du ta'wil. À la base, le shirk sur la terre, sur la surface de la terre, le shirk est apparu à cause du ta'wil. Donc le ta'wil, soit il te fait directement sortir de l'islam, c'est lorsqu'il t'amène à faire du shirk akbar, soit il ne te fait pas sortir de l'islam lorsqu'il t'amène à mal comprendre une façon d'adorer Allah Azza wa Jal ou autre. Amin, ajma'in, amin, amin, amin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que j'ai donné comme réponse est clair pour celui qui est Baraklitos? Par contre, celui qui comprend mal un texte, c'est-à-dire et que cette compréhension du texte, il... Par exemple, les hérétiques, les Mubtadi'a, ce sont ceux qui adorent Allah Azza wa Jal d'une façon qu'Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré. Les Mubtadi'a, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont? Un Mubtadi'a, quand il adore un autre qu'Allah d'une façon inventée, qui n'existait pas au temps du prophète, alayhi wa sallam, à la base, le Mubtadi'a, sa bid'a, s'il l'avoue à Allah Azza wa Jal uniquement, à ce moment-là, c'est un Mubtadi'a monothéiste. C'est-à-dire, l'adoration qu'il a inventée, il l'avoue à Allah uniquement. Et celui-ci, en grande majorité des cas, les Mubtadi'a sont deux types. Soit ils inventent une bid'a en ne se rendant pas compte que ce qu'ils font c'est inventé, mais ils croient au contraire que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a ordonné dans tel hadith ou dans tel verset. Donc ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont inventé une chose. Soit ce sont des gens qui inventent des façons d'adorer Allah Azza wa Jal uniquement en pensant qu'Allah Azza wa Jal a permis de faire les bid'a hasana ou des choses comme ça. D'accord ? Celui-là, à ce moment-là, il pense qu'Allah Azzawajal accepte que tu l'adores d'une manière tant que cela ne contredit pas donc les principes de la charia, etc. Et ça, il y a certains même ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui voyaient des choses comme ça permises. Ibn Hajar al-Asqalani permettait de fêter l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple. Il considère que c'était une bid'a hasana. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qui empêchent le juge de sortir de l'islam. Pourquoi ? Parce que il a cru qu'Allah Azzawajal a permis de l'adorer tant que ça ne s'oppose pas au principe de la charia. Il ne voit pas ces choses-là comme s'opposant au principe de la charia. Et puis après vient celui qui sait qu'Allah Azzawajal lui interdit de faire quelque chose, mais il le légifère quand même et dit non, mais moi je dis que c'est halal, on peut le faire quand même. Ça, il voit de soi que ça, ce n'est plus la même chose. Ça, c'est du shirk akbar. Parce que là, tu légifères en dehors d'Allah Azzawajal. Quant à celui qui a mal compris une loi et qui croit qu'Allah Azzawajal lui a demandé de l'adorer de telle manière, ou lui a permis de l'adorer de telle manière, celui-là, il n'est pas mécréant à la base. Sauf si on lui apporte les preuves claires et catégoriques que ce qu'il fait est interdit et qu'il a eu connaissance de ces preuves, qu'il en a compris le sens mais qu'il n'a pas accepté cela, mais qu'il refuse, cela, il devient un apostat. Et au plus le sujet est complexe, évidemment, au plus la hujja demande explications et détails, et il va de soi qu'on ne juge pas mécréant quelqu'un qui n'a pas compris que c'est interdit de fêter l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wasalam, ou autre bid'a de ce genre. Par contre, celui qui pense qu'Allah azawajal, ça c'était pour le mubtadi' monothéiste. Par contre, le mubtadi' mushrik, c'est celui qui pense qu'Allah azawajal lui a permis d'adorer un autre que lui. Ou d'invoquer un autre que lui, ou lui a permis donc de demander à un autre que lui des choses que seul Allah Azza wa Jalla est capable de donner. Lui, c'est un, celui à son ta'wil, il l'a amené à faire du shirk. Celui à son ta'wil lui a fait contredire le tawhid. Le mubtadi' muwahhid, c'est celui qui invente une ibada qui, ou bien, soit qu'il ne se rend pas compte qu'il l'a inventé, soit qu'il pense qu'Allah Azza wa Jalla lui a permis de l'adorer de cette manière-là, mais il ne voue cela, cette adoration qu'à Allah uniquement, et il sait que c'est interdit d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il n'adore personne d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et le mubtadi' mushrik, c'est celui, donc le muta'awil mushrik, c'est celui qui pense qu'il y a un verset qui lui permet d'adorer un autre qu'Allah Azzawajal, ou qu'il y a un verset ou un hadith qui lui enseigne qu'un autre qu'Allah Azzawajal est capable de donner la vie et la mort, ou qu'un autre qu'Allah Azzawajal est capable d'exaucer les prières, etc. Lui, c'est un mushrik, même si c'est par ta'wil qu'il en est arrivé à cette conclusion. Toujours est-il que ce ta'wil lui a fait croire qu'Allah Azzawajal n'est pas unique dans ce dans quoi il est unique, et donc il ne croit forcément pas en l'unicité d'Allah. Comment dire que celui qui pense qu'un hadith lui permet d'invoquer le secours des morts, comment est-ce qu'on peut dire et que donc il invoque comment est-ce qu'on peut dire celui-là il croit qu'Allah est unique à être imploré en cas de on peut pas dire qu'il croit qu'Allah est unique puisqu'il pense qu'un autre que lui mérite cela. Après, le fait qu'il croit qu'Allah l'ait permis, c'est autre chose. Mais toujours est-il que nous, on ne peut pas le décrire comme étant quelqu'un qui est musulman. À partir du moment où on sait que le musulman, c'est celui qui n'adore qu'Allah Azzawajal uniquement et qui désavoue, et non seulement il doit adorer Allah uniquement, mais il doit désavouer l'adoration d'un autre que lui. Celui qui adore Allah uniquement, mais qui ne désavoue pas l'adoration d'un autre que lui, même celui-là, il n'est pas musulman. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurrima maluhu wa dammuhu. Celui qui dit la ilaha illallah et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah, celui-là, ses sang et son bien, ses sang et ses biens sont. Et son sort appartient à Allah Azzawajal. Donc il faut faire la différence entre le ta'wil dans le shirk akbar et le ta'wil dans les rituels et les lois moindres que le tawhid. Et c'est la même chose pour le jahl, pour l'ignorance. Voilà. Question. C'est le cours ici. En espérant, Inch'Allah, que c'était clair. Que je me suis clairement exprimé. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Elle dit comme au sujet de la salat, comme il s'agit d'une adoration d'un acte d'adoration très important, il arrive que l'on oublie le nombre de rakat déjà effectués, comment réparer? Donc, on va dire par exemple, tu es en salat, et à un moment, tu sais plus est-ce que j'ai fait 3 rakat ou est-ce que j'ai fait 4 rakat. Si tu dis par exemple, est-ce que j'en ai fait 3 ou est-ce que j'en ai fait 4. À la base, donc tu vas sur le principe que tu en as fait le minimum, donc le 3, et tu complètes donc une quatrième. Si jamais tu crois que tu sais plus si tu en as fait 2 ou 3, tu vas sur le minimum, tu dis, tu vois, est-ce que j'en ai fait 2. Et tu complètes, et puis après avoir fait le salut, tu fais deux prosternations et tu refais ton salut. Donc après avoir fait le tashahhud et fait ton salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, tu te reprosternes deux fois et puis tu fais un salut directement sans faire de tashahhud et tout ça. Tu comprends Est-ce que c'est clair la réponse convertie à l'islam? Si jamais tu as oublié le tashahhud, si tu as oublié le tashahhud c'est un pilier de la prière. Sans le tashahhud, la prière est invalide. Donc si jamais tu te rends compte que tu as oublié le tashahhud, tu dois recommencer la rak'at où tu as oublié ce tashahhud. Et entre parenthèses, il y a un texte de Uthaymin, alayhi min Allahi ma yastahiquhu, qui explique bien ce sujet. Donc je pense qu'il n'y a pas de mal, inshallah, de lire ce texte, en sachant que ce texte-là, il n'est pas mauvais. Si quelqu'un peut l'envoyer en PV ou je sais pas quoi, d'une certaine manière. Je préfère pas écrire la référence en soi, mais ce serait peut-être bien si j'ai dit alayhi min Allahi ma yastahiqu, c'est-à-dire qu'Allah lui accorde ce qu'il mérite. La référence, mais par contre, je vais demander s'il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer à cette sœur en Word ou en je sais pas quoi, d'une manière ou d'une autre, de lui faire parvenir ce texte. Inch'Allah, de lui faire parvenir ce texte sans qu'elle ne doive passer par des sites de sectaires ou autres. Voilà.